France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, ils sont un phénomène mondial. Leur dernier film a accumulé $1 milliard au box-office. Et pas un pays ne résiste à ces personnages jaunes, petits, avec de grosses lunettes, qui parlent un peu par onomatopée comme les Shadok, mais passent leur temps à chanter. Ba ba ba ba ba nana, ba ba ba ba ba nana, oh. Ba ba ba ba ba ba nana. La voix des mignons, c'est aussi celle de son co-créateur. Bonjour Pierre Coffin. Bonjour Laurent Vallière. Vous êtes dans l'ombre de vos créatures, vous êtes le co-créateur de ces petits personnages avec le français Éric Guillon, connu dans le monde entier, le co-réalisateur de ces films, des mignons à moi moche et méchant. Et en parlant avec vous au détour d'interview, j'ai découvert qu'on vous la faisait pas en matière de comédie musicale, que vous connaissez cela très bien. Alors ce matin, si vous voulez bien, c'est vous qui programmez 42e rue. Le rendez-vous des amateurs et des fanatiques de comédie musicale chaque matin sur France Musique. Look, there goes Mac the Knife. Shark has a pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mackie, dear. And he keeps it out of sight when the shark bites, so with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's McKeith, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Yeah. Someone sneaking around the corner. Is that someone, Mac the Knife? Yeah. From a tugboat by the river bubble, a cement bag drooping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you back he's back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. Did our boy do something rash? Look a here, Suki Tadri. Jenny Diver. I said Lottie Lanier. So with Lucy Brown. Oh, the line falls on the right, dear. Now that Mac is back in town. Thank you. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around a hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I have found. What is this? Christmas Town? Pierre Coffin, le co-réalisateur, le créateur, co-créateur des Mignons, programme ce matin 42e rue sur France Musique. Je vous laisse désannoncer ce que vous avez choisi à l'instant. Désannoncer, c'est-à-dire? Bah, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ah! Eh bien, la première chanson, c'était Max the Knife, c'est ça? Originellement de Kurt Weill et d'un livret de Bertolt Brecht. Extrait de l'opéra de Katsu. Extrait de l'opéra de Katsu, ouais. Et une des raisons pour laquelle j'adore ce truc-là, pour moi, ça a été un élément déclencheur, je crois. J'ai passé une partie de mon enfance à Nantes et quand je suis allé le voir, il y a mon père qui m'a amené voir l'opéra de Katsu, donc à l'opéra de Nantes, et j'ai eu comme un déclic, quoi. Cette espèce de musique un peu cirque, un peu c'était en allemand déjà à l'époque, donc je comprenais pas grand chose, mais il y avait une quelque chose de très mélodieux en fait dans la musique qui de prime abord était pas mélodieuse. J'ai un peu du mal à le formuler, quoi, parce que c'est de la musique un petit peu bizarre mais en même temps très populaire et très accessible, quoi, finalement, quoi. Ouais. Et en tant que gamin, genre le mélange des deux, ça a été comme je me suis dit, mais c'est quoi cette musique absolument géniale en fait qui est un peu transgressive, quoi, presque. Ça, c'était l'opéra de Katsu. Ouais. Et vous me disiez, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est aussi un petit peu influencé par Kurt Weill, et c'est pour ça que vous voulez l'entendre. C'était extrait de L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film d'animation réalisé par Tim Burton. Ben oui, parce que j'ai retrouvé, et je retrouve dans la musique de Danny Elfman, particulièrement, cette espèce de, il y a un côté cirque, un côté, pas musique populaire. Je me rappelle un des premiers films où la musique de Danny Elfman est vraiment ressortie pour moi, c'était Beetlejuice, cette espèce d'ouverture en fait sur une espèce de route en fait où on suit une voiture puis qui se termine sur la maquette d'une petite maison où il y a une espèce d'araignée qui grimpe sur le toit, et c'est le premier plan de Beetlejuice, et avec cette musique absolument géniale, quoi, avec les pom pom pom pom qui va caractériser en fait, qui caractérise à mort en fait, pour moi, la musique de cirque, mais aussi le style de Danny Elfman, en fait, que je trouve absolument génial. Pierre Coffin, comment vous avez découvert la comédie musicale ? Oh là là, ça a commencé assez tôt, mine de rien, quoi, parce que déjà, j'avais des parents qui allaient assez souvent au cinéma et qui m'emmenaient. Et j'ai découvert, pareil, quoi, pendant un certain nombre d'années, mon père était diplomate et on est parti aux États-Unis. Ça devait être à la fin des années 70. Et là-bas, ça a été une vraie révélation. En fait, j'ai vu pour la première fois, donc à la télé, un film qui s'appelle Singing in the Rain, Chantons sous la pluie. Et je savais pas trop ce que c'était qu'une comédie musicale avant. Et là, à travers ce film-là, j'ai vu les codes en fait qui allaient me marquer, mais presque à vie, quoi. C'est-à-dire qu'une comédie musicale peut être franchement joyeuse, être triste, bourrée d'idées cinématographiques et musicales. Et ce film-là, rien que l'histoire, parce que c'est l'histoire de deux personnages, etc., qui c'est une histoire d'amour, hein, à la base, qui s'inscrit dans la grande histoire de l'histoire du cinéma, quoi. Ouais. C'est-à-dire l'avènement du parlant et que vont devenir ces gens-là, etc. Alors, vous aviez choisi Chantons sous la pluie, mais il y avait un autre titre qui me plaisait, que j'avais envie de faire partager aux éditeurs dans votre liste de morceaux que vous vouliez nous faire partager ce matin. C'est un épouvantail qui chante qu'il n'a pas de cerveau. I could while away the hours, confirm with the flowers, consult them with the rain. In my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain. Oh, I tell you why the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nuffin', my head all full of stuffin', my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. gosh, it would be awful pleasing to reason out the reason for things I can't explain. Then perhaps I'll deserve you and be even worthy of you if I only had a brain. Three little unexpected children simultaneously. The doctor brought us, and you can see that we'll be three forever and A-E. You wouldn't know how agonizing being triple can be. Each one is individually the victim of the clinical day. Every summer we go away to Baden, Baden, Baden. Every winter we come back home to Walla, Walla, Walla. We do everything alike, we look alike. We dress alike, we walk alike, we talk alike, and what is more, we hate each other very much. We hate our folks, we're sick of jokes on what an art it is to tell us apart. If one of us gets the measles, another one gets the measles, then all of us gets the measles, and mumps, and croup. How I wish I had a gun, a widow gun. It would be fun to shoot the other two and be only one. Mrs. Whiffle-Puffer loves to talk to Mrs. Hildendorfer of the fatal natal day she had her silly willy. Mrs. Hassen-Cooper loves to talk to Mrs. Goldenwasser of her major operation when she had her twins. But when Mother comes along, she silences the others. She accomplished something that is very rare in mothers. MGM has got a Leo, but Mama has got a trio. She is proud but says three is a crowd. Everything alike, we look alike, we dress alike, we walk alike, we talk alike, and what is more, we hate each other very much. We hate our folks, we're sick of jokes on what an art it is to tell us apart. We eat the same kind of victuals, we drink the same kind of bottles, we sit in the same kind of high chair, high chair, high chair. Wish I had a gun, a widow gun. It would be fun to shoot the other two and be only one. C'est très cinéphile votre choix ce matin, Pierre Coffin, en direct sur France Musique sur la 42e rue. C'est vous qui faites la programmation de l'émission, c'est vous qui avez co-inventé les personnages des Mignons avec deux scènes qui me font penser à des dessins animés, vraiment. À l'instant, c'était extrait de The Bandwagon, tous en scène. Fred Astaire, Nanette Fabray, Jack Buchanan, dans des chaises à bébé, même dans des barbeaux. En bébé même. En bébé. Ouais. Qui est en train de chanter Triplets. Et puis juste auparavant, un épouvantail incarné par Ray Bolger dans Le Magicien d'Oz, ouais, de 1939 de Victor Fleming. Pourquoi ces deux choix? Ces deux choix, c'est pareil, quoi. Je pense que les trois petites années que j'ai passées aux États-Unis, en fait, ont été un révélateur pour moi, en fait, de ce qu'était une petite partie du cinéma en général, quoi. Cette petite branche de qui est la comédie musicale. Et c'est, pour moi, c'était quelque chose d'écouter ces airs de musique. Ça me donne la chair de poule parce que, et cette chair de poule que je ressens aujourd'hui, je l'ai ressentie à l'époque quand j'ai découvert la chose la première fois. Donc il y a un effet magique en fait dans les comédies musicales, ou du moins celle qui me touche vraiment, dont Le Magicien d'Oz et puis Tous en scène, hein, et qui provoquent une émotion en moi, mais alors qui est liée à la musique, qui est liée à la chorégraphie, qui est liée au film, à l'histoire du film en général, et je crois que inconsciemment ça a dû me marquer parce que ce que je fais en film d'animation, en fait, tout est chorégraphié quand on fait un film d'animation. C'est-à-dire qu'on réfléchit à chaque mouvement, à chaque mouvement de caméra par rapport au personnage qui se déplace. Ouais. On réfléchit beaucoup en fait à la forme qui va aider en fait à comprendre cet objet inanimé mais qui va prendre vie grâce au talent des animateurs. Vous voyez vos dessins animés comme des comédies musicales presque. Ah, complètement, oui. Tout est chorégraphié même quand ça chante pas, quoi. Vous avez toujours voulu être cinéaste, en fait, si je comprends bien. Au début, non, c'était juste un doux rêve, et puis ça s'est transformé au fur et à mesure, au fur et à mesure de ma vie, quoi. J'ai voulu faire du cinéma quand je suis sorti de l'école, et je suis allé dans une fac de cinéma qui m'a servi à pas grand-chose, si ce n'est qu'à voir plein de films. Donc ça m'a servi au moins à ça. Et c'est seulement après, en fait, quand on m'a parlé de l'existence d'une école qui s'appelait Les Gobelins, une école d'animation, c'était la seule à l'époque qui existait en France, et où je suis allé pendant 3 ans, quoi, où j'ai appris la technique de l'animation. Et là, j'ai su que je voulais raconter des histoires ou aider d'autres gens à raconter leurs histoires. Alors, autre choix, un film méconnu en France qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang. Oh. C'est un peu dans la lignée de Mary Poppins. Ah, carrément. Pourquoi ce choix? Vous nous le présentez, ce film? Oui, alors ça remonte à ma petite enfance, en fait, parce que on avait un disque qui traînait à la maison. Mon père était fan de ce film-là, et donc il avait acheté le 33 tours. Et en gros, j'ai écouté ce disque-là en boucle pendant 3 ans, et je n'ai vu le film que beaucoup, beaucoup plus tard. Et quand j'ai découvert le film, j'ai absolument adoré, parce que quand on va... Alors ça, c'est un espèce de truc, en fait, que j'ai appris avec les comédies musicales, c'est que quand vous allez voir un film et que vous connaissez les chansons avant, c'est absolument génial. Et là, c'est là où ça provoque... Vous connaissez presque les personnages, vous êtes presque intime avec le film avant même de l'avoir vu. Alors Dick Van Dyke, qui jouait Bert dans Mary Poppins, ici incarne un fol aventeur qui retape une vieille voiture de course. Et puis voici le moment où le père, eh bien, fait découvrir à ses enfants la voiture de course qu'il a retapée en secret durant des semaines, et les emmène à bord, et on découvre à cette occasion l'explication du titre du film, Chitty Chitty Bang Bang. En fait, c'est le bruit du moteur de la voiture. What a funny noise it's making! It's talking to us. All engines talk. What's it saying? It's saying chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty bang bang chitty chitty chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang chitty chitty bang bang oh you pretty chitty bang bang chitty chitty bang bang we love you and in chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang what we'll do near far in a motor car oh what a happy time we'll spend bang bang chitty chitty bang bang our fine four fendered friend bang bang chitty chitty bang bang our fine four fendered friend chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang chitty chitty bang bang oh you pretty chitty bang bang chitty chitty bang bang we love you and in chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang what we'll do near far in our motor car oh what a happy time we'll spend bang bang chitty chitty bang bang our fine four fendered friend bang bang chitty chitty bang bang our fine four fendered friend you're sleek as a thoroughbred your seats are a feathered bed you'll turn everybody's head today we'll glide on our motor trip with pride in our ownership the envy of all we survey oh chitty you chitty pretty chitty bang bang chitty chitty bang bang we love you and chitty you chitty pretty chitty bang bang chitty chitty bang bang what we'll do live chitty far chitty in a motor car oh what a happy time we'll spend bang bang chitty chitty bang bang our fine four fendered friend bang bang chitty chitty bang bang our fine four fendered chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang fine four fendered chitty chitty friend thank you go You'll find a slight squeeze on the hooter an excellent safety precaution, Miss Scrumptious. Never mind about that. How am I supposed to get out of here? Well, looks to me as if you have to walk. Or swim. What? In this dress? Oh, don't be ridiculous, Mr. Potts. Come on. Well, what are you going to do? I'm going to carry you. Oh dear, must you? Well, unless you'd rather ride piggyback. All right, you may carry me. Good. Wait, my handbag. Oh. It's all right. Thank you. Not at all. We're going to the seaside on a picnic. Come with us, please. Well, I'm hardly in the mood for a picnic just now. Well, you needn't worry about your car. I can have Mr. Coggins tow it up. Well, I,

Pierre Coffin, vous êtes réalisateur, un des réalisateurs les plus populaires dans le monde et pourtant on ne vous connaît pas. Vous êtes caché derrière vos personnages des mignons qui triomphent dans le monde entier. Ce matin, c'est vous qui avez programmé, par exemple, cet extrait d'une comédie musicale de Jean Renoir, French Cancan. Pourquoi ? Oh, parce que c'est pareil quoi, ce film ça a été un grand choc pour moi quoi, parce que déjà Jean Renoir, grand réalisateur et ce film. Un peu comme vous, il a travaillé à Paris puis à Hollywood. Hein. Oui. Enfin, c'est tout ce qui nous, nous rapproche là, parce que c'est vraiment un monsieur de grand talent. Et ce film-là, parce que c'est quand j'imagine le vieux Paris des années 20, en fait, du début du siècle, pour moi, c'est cette chanson-là et ce film-là évoque tout quoi. J'adore cette espèce de carré de Paris de carton-pâte. Mmh. J'adore toutes les chansons en fait qu'il y a dans le film. Cette espèce de finale. Ça devait pas être du Technicolor, mais c'est toutes ces couleurs à la fin où tout le monde danse le French Cancan, en fait, c'est une espèce de bouffée d'émotion, en fait, qui chez moi provoque un petit peu de larmes que j'ai du mal à contenir. Et c'est rigolo, quoi, parce que bien des années plus tard, en fait, j'ai découvert, je suis allé voir Moulin Rouge. Le film de Baz Luhrmann, c'est presque un remake inavoué de French Cancan, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a même cette chanson, d'ailleurs, reprise par je sais pas qui, mais cette chanson-là, La Complainte de la Butte. La Complainte de la Butte, ouais. Ouais, c'est également reprise, quoi, cette espèce de, et puis bon, Gabin de la grande époque et tout ça, et puis comme on se disait hors antenne, là, tout à l'heure, là, c'est la première fois que je voyais Edith Piaf, en couleur, dans un film. Je sais pas si elle a joué dans autre chose, quoi, mais c'était un rêve d'enfant. Alors, c'était Cora Vauquer qui interprétait à l'instant La Complainte de la Butte, mais dans le film, il y avait aussi Jean Gabin qui chantait. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et maintenant, un morceau que j'ai choisi pour vous, Pierre Coffin. Chanson des rues, tout ça. C'était Jean Gabin qui a interprété La Complainte de la Butte. Et maintenant, voici donc bien un morceau que j'ai choisi exprès pour vous, Pierre Coffin. I am the very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England and Dakota fights historical, from Marathon to Waterloo in order categorical. I am very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About polynomial theorem, I am teeming with a lot of news. Ooh, lot of news, lot of news. Ah, with many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Many cheerful facts about the square of the hypotenuse. Many cheerful facts about the square of the hypotenuse. I am very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beans and animalculus. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. I know our mythic history, King Arthur's and Sir Caradox. The answer hard acrostics have a pretty taste for paradox. In court in elegiacs, all the crimes of Helicabalus. In cornix, I can floor peculiarities parabolus. I can tell undoubted Raphael some Derrida's and Sophonies. I know the croaking chorus from the frogs of Aristophanes. And I can hum a fugue of which you've heard the music's dinner for. Dinner for. Ha ha! And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore. And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore. And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore. And whistle all the airs from that infernal nonsense pinafore. Then I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of Caractacus's uniform. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, he is the very model of a modern major general. In fact, when I know what is meant by mammalian and ravelin, when I can tell at sight a mouse a rifle from a javelin, when such affairs are sorties and surprises, I'm more wary at, and when I know precisely what is meant by commissariat, when I have learned what progress has been made in modern gunnery, when I know more of tactics than a novice in a nunnery, in short, I have a smattering of elemental strategy. Ooh, strategy? Strategy, letter, Ah, I have it. You'll say a better Major General and never satisfied. You'll say a better Major General and never satisfied. You'll say a better Major General and never satisfied. You'll say a better Major General and never For my military knowledge, though I am plucky and adventurous, has only been but down to the beginning of the century, but still in matters vegetable, animal and mineral, I am the very model of a modern Major General. Un extrait des Pirates de Penzance de Gilbert et Sullivan, l'opérette et une chanson intitulée I'm the very model of the modern Major Général. C'est l'ère du général de brigade, le père de la jeune fille tombe amoureux, un enfant devenu jeune homme qui a été recueilli par des pirates, qui a dû les suivre dans leurs pires atrocités et puis qui est destiné, qui une fois arrivé à la majorité veut vraiment les combattre, ça sera un peu compliqué pour eux. Et Pierre Coffin, vous avez réussi dans le dernier opus de Moi, Moche et Méchant, qui est sorti eh bien en juillet dernier, à glisser ses terres et à le faire chanter par les mignons. Alors expliquez-moi, ça c'est votre idée, hein? Oui, c'est de faire chanter du Gilbert et Sullivan dans un dessin animé très très très populaire. Ouais, bah c'est pareil quoi. C'est une opérette que j'avais vue pendant mes années états-uniennes et j'avais été surpris. Bon, le reste de l'opérette en fait est un peu bizarre pour moi, mais bon. Mais cet air là en fait est particulièrement entraînant et vous avez vu le débit de la personne quoi. Tout le monde était sur tous les yeux étaient rivés sur le pauvre acteur en fait, parce que avec un débit comme ça on se dit mais c'est pas possible, il va se planter à un moment donné quoi. Ouais. Donc et il s'est pas planté et à un moment donné pendant la production de Moi Moche et Méchant 3, je me suis dit bon c'est bon, on a fait trois films, on a fait chanter des tas de choses, est-ce que ce serait pas temps de les faire chanter un opéra quoi, et je sais pas pourquoi j'ai pensé à cet opéra de Gilbert et Sullivan et je me suis dit que ce serait une petite gageure pour moi aussi de chanter la chose quoi, parce que mine de rien c'est un petit peu dur et voilà quoi. Parce que c'est vous qui faites toutes les voix des mignons et donc vous êtes venu avec des documents originaux. Ouais. Je voulais nous présenter le premier. Alors, la voix sèche, j'allais dire. Ouais, c'est la voix. Bah, c'est la voix toute seule. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour chanter non seulement en rythme, mais à la bonne tessiture, enfin la bonne note, je m'enregistre au ralenti et je rejoue en temps réel. Ce qui fait que, ça me permet de chanter doucement et puis le fait de le remettre en temps réel, ça pitch naturellement la voix. Alors on entend d'abord l'enregistrement fait par vous-même, hein, c'est comme Danny Elfman, oui. Vous enregistrez vos voix chez vous, je ne sais pas dans quelles conditions, et vous écrivez les paroles. Pitopata milomilata katiki pouletika, c'est pas la joie des mitokala namoule macarena. Paroletus pa bo patime, laissez pas macagusta, mamie les belles, mais la moustache et la pica mucha. Et après, vous faites quoi alors? Bah, après, en fait, je multiplie ça par 20, c'est-à-dire que dépendant du nombre de gens, enfin du corps que je vais donner à la chanson, en fait, je multiplie les pistes. C'est-à-dire que je rechante en voix de tête, en voix de basse, en voix de. Et tout ça, genre 20, 25 fois. Pour la chanson, quoi, à peu près. Donc, et c'est comme ça qu'on peut voir apparaître plusieurs mignons qui chantent en même temps à l'écran. Et donc, une fois que vous avez enregistré de façon sèche la chanson, vous, comme on dit en bon français, vous pitchez, c'est-à-dire que vous augmentez le tempo pour faire parler, pour récupérer. Bah, on va écouter d'ailleurs, ouais. Pour avoir le ton des mignons. Pitopata milomilata katiki pouletika, c'est pas la joie des mitokala namoule macarena. Paoletus pa bo patime, laissez pas macagusta, mamie les belles, mais la moustache et la pica mucha. Moka coca pila caca fissa bella la masala papa mama lo capi papo la gusta la rumada che paco da milato cabo capisa la lasagna. Kika la poma cabomba bella mira la polonia. Kika la poma cabomba bella mira la polonia. Donc là c'est vous qui avez fait toutes les voix. Bah ouais, comme ça en toute simplicité. Et il doit y avoir mes enfants aussi là-dedans quelque part. Quoi. Je crois que je leur ai demandé aussi une voix de tête en fait à glisser au fond. Voici le résultat final.

bonheur. Et le fait qu'à chaque fois, ils arrivent à truffer leur film humoristique de chansons, ça apporte quoi pour vous ? Ben, je sais pas, ça apporte l'effet magique, en fait. On s'y attend pas. Par exemple, là, pour cet extrait du film, on s'attend pas à ce que Brian, accroché sur une croix, se mette à chanter, se mette tous à chanter cette chanson qui est assez joyeuse, d'ailleurs. Et puis, qu'ils essayent de vendre des disques à la fin aussi, là. Moi, je trouve ça génial, vraiment. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Avec vous, derrière le poste, qui tweetait sur avec le hashtag 42 rues, et je cite Pierre Coffin qui indique par exemple Passenger, qui nous informe que son fils ne veut plus regarder ses Donald, certainement à cause des mignons. Oui, c'est Mickey, c'est Donald, c'est qui? Elle s'appelle Passenger, je ne sais pas. Mais c'est vrai que vos personnages sont rentrés dans, chez les enfants d'aujourd'hui. Bah c'est bien. Alors autre choix, une comédie musicale actuellement à l'affiche à Broadway, à qui on doit des dessins animés d'ailleurs. South Park, oui. Un dessin animé de Trey Parker et Matt Stone. Et vous avez choisi leur comédie musicale, leur première comédie musicale actuellement à l'affiche, qui s'appelle The Book of Mormon. On reste dans la parodie de la religion. Pourquoi ce choix de cette chanson Hello? Déjà parce que rien que mélodiquement, je la trouve absolument géniale. C'est quand même, enfin, je crois que la musique, c'est Robert Lopez, le compositeur de La Reine des Neiges. Oui, voilà. C'était avant La Reine des Neiges. Mais c'est un espèce de grand écart, justement, quand vous connaissez un peu l'histoire des comédies musicales, comme vous la connaissez si bien, Laurent Vallière. Je trouve ça génial que la personne qui a écrit Book of Mormon fasse également Frozen, qui est l'antithèse politiquement correct. Ouais. Ouais. Et j'ai cette chanson là Hello qui ouvre le livre des Mormons, est brillante parce qu'il y a plein d'idées musicales, j'ai pas vu la comédie musicale malheureusement. Vous connaissez l'album par cœur, encore une fois, c'est drôle, hein. Je pense que quand je découvrirai la comédie, quand je vais la voir la première fois, en fait, je vais ressentir ces petits frissons là que je vous ai dit au début. Et je trouve que cette chanson est absolument géniale parce qu'elle évoque plein d'images pour moi allez-y. Non, en fait, c'était juste pour expliquer aux auditeurs qui connaissent pas cette comédie musicale qu'on suit, en fait, à travers cette histoire, deux missionnaires mormons envoyés pour apporter la bonne nouvelle dans un village reculé en Ouganda, qui vit sous la terreur d'un chef brutal, et en même temps, c'est un pays où la pauvreté et le sida font des ravages. Et donc, au début de la comédie musicale, ce sont ces deux missionnaires qui sonnent aux portes pour dire bonjour. Hello, my name is Elder Price. And I would like to share with you the most amazing book. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts. You simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello. My name is Elder Young. Hello. Did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now. Hello. In this nifty book, it's free. No, you don't have to pay. Hello. Hello. My name is Elder Smith. And can I leave this book with you for you to just peruse? Hello. Hello. Hello. I'll just leave it here. It has a lot of information you can really use. Hello. Hi. My name is Jesus Christ. You have a lovely home. Hello. It's an amazing book. Bonjour. Hola. Ni hao. Me llamo Elder White. Are these your kids? This book gives you the secret to eternal life. Sound good? Eternal life with Jesus Christ. It's super fun. Hello. Ding dong. And if you let us in, we'll show you how it can be done. No thanks. You sure? Oh, well. That's fine. Goodbye. Have fun in hell. Hey now. You simply won't believe how much this book will change. This book will change your mind. Change religions, have a free book written by Jesus! No, no, Elder Cunningham, that's not how we do it. You're making things up again. Just stick to the approved dialogue. Elder, show it! Hello! Hello! My name is Elder Cunningham! And we would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello! You won't burn in hell. You're gonna I got life, mother. I got life's sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, brother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good times, man, I got crazy ways, daughter, I got million-dollar charm, cousin, I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle. Pierre Coffin, programme la 42e rue de France Musique ce matin sur France Musique. Pierre Coffin, le réalisateur des Mignons. Pourquoi choisir cette chanson I Got Life, extrait de Hair, la comédie musicale, filmée par Miloš Forman en 79? Ben, toujours pareil. Alors ça, j'avais 11, 12 ans peut-être à l'époque quand je l'ai vu. Toujours pareil aux États-Unis. Et j'ai été, déjà, c'est la découverte d'un cinéaste, hein, Miloš Forman. J'avais pas vu évidemment avant un de ses premiers films, Vol au-dessus d'un nid coucou, que j'ai découvert après, en fait, après avoir su que c'était lui qui l'avait réalisé. Et ce film, parce que à 11 ans, quand on voit une bande de hippies faire un peu les fous pendant 2 heures, les 2 heures du film, et tout ça sur un fond quand même un petit peu sérieux, qui est quand même la guerre du Vietnam et tout ça. Et ce petit passage du film, je me rappelle, pareil, quoi, j'avais tous les poils de mes bras qui se sont hérissés, quoi, parce que c'est un petit passage où il y a un petit groupe de hippies, en fait, qui décident d'amener leur nouveau copain rencontrer sa copine qui fait partie d'un milieu hyper bourgeois et tout ça. Donc ils déboulent tous dans cette espèce de petite garden party bourgeoise, et il y a un des héros du film, Berger, un des hippies qui se met à danser sur la table, et ça provoque une espèce d'énergie globale qui est folle, en fait, pour un petit garçon de 11 ans. Pour moi, j'avais envie de faire pareil, quoi, en gros. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de réalisateurs de comédies musicales ou de films musicaux vous ont influencé. Il y a eu Robert Wise, le réalisateur de La Mélodie du Bonheur, de West Side Story. Et puis, vous nous parlez aussi d'Alan Parker. Pourquoi choisir cet extrait pour terminer de Fame, Out Here on My Own, Irène Cara? Parce que déjà, je l'ai revu dernièrement pour voir à quel point il avait vieilli ou pas, ce film. Et Alan Parker, parce que vous regardez juste sa filmographie, j'ai vu tous ses films, et ça va des Commitments à Pink Floyd The Wall, qui est un grand moment pour moi, en fait, animateur. Film musical aussi, ouais. Ben ouais, parce que tous les morceaux d'animation qu'il y a dans ce film, en fait, sont absolument fabuleux. Je savais pas qu'on pouvait faire des films d'animation comme ça. Pour moi, c'était juste Disney qui faisait des films d'animation de qualité. Et là, quand j'ai vu Pink Floyd The Wall et tous les passages animés dedans, je sais pas si vous vous rappelez, avec les marteaux qui marchent, avec ces plantes, en fait, qui s'enchevêtrent et qui se rentrent les unes dans les autres. Enfin, la technique même de l'animation, en fait, était brillante, quoi. Et Alan Parker, c'est un grand monsieur, étroitement lié, en fait, à tout ce qui est comédie musicale, et voilà. Sometimes I wonder his heart alone. Out here on my own. We're always proving who we are. Always reaching for that rising star to guide me far and shine me home. Extrait de Fame, le film d'Alan Parker en 79, Out Here on My Own, Irène Cara, Pierre Coffin, réalisateur des Mignons, de Moi Moche et Méchant. Je peux pas refermer cette 42e rue sans passer ce tube hyperplanétaire découvert dans votre film Moi Moche et Méchant de Pharrell Williams. C'était quoi la commande à Pharrell Williams en deux mots, Pierre Coffin? En deux mots, la vache, ça va être dur. Alors, on a demandé à Pharrell Williams de faire une chanson la plus joyeuse et la plus upbeat possible, simplement parce qu'on avait besoin de ça dans le film pour créer un espèce de contraste entre ce moment très joyeux et le moment où très déprimant, en fait, où Gru dans le film va s'apercevoir que la femme de sa vie va partir. Et ça donnait ça. Bravo. Bravo pour tous vos films, Pierre Coffin. Votre film Moi Moche et Méchant numéro 3 sort cette semaine en vidéo. Eh bien, chers auditeurs, nous avons 5 Blu-ray pour vous. Pour les remporter, il vous faut nous écrire en passant par la page de 42e rue. Vous allez sur francemusique.fr, vous n'oubliez pas d'indiquer votre adresse. Vous avez jusqu'à mardi minuit. Les gagnants seront tirés au sort, tout comme la semaine dernière. Christiane, Philémon, Nathalie, Coralie et Jean, qui recevront le livre dédicacé de Patrick Niedo que nous vous offrions, qui s'appelle Hello Broadway. Dans l'actualité, enfin, quelque chose qui pourrait vous intéresser. SoFilm, le magazine de cinéma, Pierre Coffin organise régulièrement des résidences pour aider les auteurs de films à développer leurs projets. Eh bien, la prochaine résidence concerne, figurez-vous, les films de comédie musicale. Si vous avez une idée de film, n'hésitez pas à leur soumettre votre projet. Avant fin janvier, vous retrouverez toutes les infos sur la page de 42e rue. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook, la page Facebook de 42e rue, et sur Twitter avec le hashtag 42 rue. Merci Pierre Coffin. Merci Laurent Vallière. Laurent Vallière, Martine Moni, Julien Hanck, Frédéric Potry, David Travailleur, vous souhaite une très bonne journée sur France Musique. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.